Le rachat du passé. En v'là tout de même des choses bien extraordinaires qui se passent dans notre pauvre petit pays de Plougasnou. Que c'est à n'y point croire et à se demander si des fois on ne rêverait point tout éveillé depuis 8 mois. 9 même bientôt, car vous vous en souvenez mieux que tous, vous autres, les gardes-côtes. C'est cette fameuse nuit de novembre où la brume faisait comme un linceul à tout le pays. Cette nuit où le canon a roulé sur mer près des Triagos, que les choses étonnantes ont commencé chez nous pour ne point arrêter quasiment jusqu'à maintenant. Tout son rude visage épanoui d'un contentement qui ne le quittait pas depuis que son fils était revenu de Russie, malade mais vivant, le forgeron Leskov s'arrête de bourrer sa pipe pour contrôler ses souvenirs en comptant sur ses doigts. Assis sur un rocher près de la cabane de garde de la pointe de Primel, où par cet après-midi d'un torride dimanche de juillet, il est venu respirer un peu d'air frais pour se reposer de l'atmosphère embrasée de sa forge, toujours en feu durant la semaine entière, il désigne d'un geste circulaire l'entrée de la rivière de Morlaix et s'adressant à Guyader. « Hein, tonton Guillaume, c'est toi qui étais de garde cette nuit-là ? » Et elle chantait sa chanson à voix haute, la mère, en tapant comme une enragée qu'elle est sur tous les cailloux qui ne manquent certes point par ici. « Tu peux le dire, Leskov. Ça bouillonnait partout par là comme la grande marmite de l'enfer, avec les galets qui menaient une danse de damnés sur les grèves d'en bas. Une nuit comme on ne les aime guère, pas vrai, la Zénèque ?» Adossé à la construction, les mains dans les poches, le gendre de Pierre-Marie Guisnou approuva. « Pour sûr, mon oncle. Yvonne était malade cette nuit-là, je m'en souviendrai. » Et il ajouta, désignant à leurs pieds sa maison. « J'ai cru que ma pauvre baraque allait s'amener en grand dans la mer quand notre petite Anne, qui était venue soigner sa sœur, est repartie sur les minuits avec son chien et sa lanterne. » Guyader, à ce souvenir, eut un rire silencieux que personne ne remarqua faisant pour lui seul. « Ha ha !» Clac, clac, les sabots de la petite reine, la clochette, la lumière, le canon, mes idées. Leskov, sans rien remarquer, continua. Et depuis cette nuit épouvantable que tous les gens censés auraient juré être une nuit de malédiction pour le pays, eh bien, tout au contraire, c'est une bénédiction pour tout le monde et en même temps la série des événements tellement extraordinaires que les anciens du pays et les gens notables n'en sont pas encore revenus. Comptez voir plutôt d'abord ce grand beau gaillard que personne ne connaît, qui sort de la brume et de la mer comme un marin fantôme, qui se trouve être le plus luron des lurons, le plus crâne des corsaires, un gaillard intrépide qui chavire les Anglais plus vite que je ne forge un fer de cheval et qui déverse sur le pays tout l'argent qu'avec les gars de chez nous, il ramasse sur les bateaux des voisins. Guerre ou commerce, cela lui est égal, car les morceaux de fonte ne lui font pas peur. Et d'une chose qui n'est déjà pas ordinaire. Mais voilà Tipa que, prisonnier des gens d'en face, il leur glisse entre les doigts, reprend son bateau et réapparaît en plein pardon de Saint-Jean-du-Doigt où la vieille Tinaïque nous apprend que c'est le gars à Antoine Guisnou, celui qu'on aurait juré avoir péri en mer à 10 ans au large du Cap Horn avec l'Armor. Faut avouer que ça a produit un certain effet, cette déclaration-là, fit en riant Corentin Morvan. Et que ça n'a pas été du goût de tout le monde, le fils du maudit, dame. Eh bien, fit brusquement Leskov, le fils du maudit, et puis après, ça ne l'empêche pas d'être le plus brave des gars, n'est-ce pas? Et si son père a pu faillir au nom de Guisnou, lui, en tout cas, le porte assez bien pour que ça ne regarde personne, sa naissance. Oh, protesta Morvan, moi, c'est mon avis aussi. Pour lors, reprit Leskov, heureux de se voir écouter dans ce bref résumé d'événements que ses auditeurs connaissaient cependant comme lui, en troisième lieu, voilà notre reine en sabots qui, du premier jour, devient sa protectrice, la marraine de son bateau, sa douce, enfin, et le résultat, c'est ce mariage il y a 8 jours, qu'on aurait pourtant bien tous affirmé autrefois que la petite Anne entrerait en religion. Pas vrai, tonton Guillaume ? Certes, répondit Guyader. « Eh bien, mes bons amis, savez-vous ce que je trouve le plus étonnant dans tout cela qui est pourtant pas mal extraordinaire ?»« Sois dit sans t'offenser, tonton Guillaume, ni toi, la Zénèque. C'est que tort et peine... Non, Guy Guisnou, je me trompe encore. Anne et cette vieille sorcière de Tinaïque et pu venir à bout de cet entêté qui s'appelle Pierre-Marie Guizenoux, mais en venir à bout au point qu'il veuille bien non seulement accueillir son neveu, alors qu'il l'avait chassé, mais encore autoriser de bon cœur le mariage d'Anne avec le fils du maudit. Changer notre Pierre-Marie de cette façon-là, je vous avoue que c'est un des miracles que j'aurais jamais cru possible. » Un hochement de tête général prouva à Lescoff, enchanté de son éloquence, que sa tirade, qu'il répétait depuis 8 jours à tous les échos du pays, avait trouvé encore une approbation unanime. Satisfait, il se leva et fit. Là-dessus, bonsoir les amis. Faut que je remonte à notre Plougasnou retrouver mon gars. Je remonte avec toi, Lescoff, fit Guyader en se levant. Mon tour de garde est fini et je vais voir mes neveux qui, aujourd'hui dimanche, sont au bourg et non point à bord du Penbaz. Il désigna le cutter que l'on apercevait mouillé à son poste ordinaire au fond de l'anse, près du château de Tromelin, et qui, depuis le retour de son capitaine et de son équipage, si audacieusement évadé du ponton, avait repris définitivement son nom breton et toute son apparence extérieure de jadis. Laissant ses 3 camarades à la garde de la pointe, Guyader commença à gravir aux côtés de Lescoff la route qui, par le manoir de Traon à Rhun, mène à Plougasnou, et lorsqu'ils débouchèrent devant le porche de l'église du bourg, ils s'entretenaient encore avec la même animation du Penbaz et de son jeune capitaine pour qui tous deux professaient une pareille admiration et une égale affection. Au même moment, traversant le cimetière et se dirigeant vers le chemin creux qui mène par l'oratoire à Saint-Jean-du-Doigt, ils aperçurent précisément celui dont ils parlaient et se le montrèrent en souriant. Tendrement appuyés l'un sur l'autre, Guy et Anne n'aperçurent pas les 2 arrivants. Guyader, attendri, se répétait. « Ah ah, la fameuse nuit, clac-clac, les sabots, le canon, les 2 bruits de la terre et de la mer, bien visibles qui sont à cette heure, les invisibles. Ah ah ah, pas si bête qu'on croit tout de même, le vieux matelot avec d'autres idées à lui, elles se sont réalisées malgré tout, celles-là, malgré tout. » Toujours à grommeler quelque chose. Que marmottes-tu encore, tonton Guillaume ? Questionna Lescoff. Rien, rien, répondit Guyader. Des idées à moi qui me passent comme cela. Sans se douter un instant des regards attendris et des réflexions affectueuses que leur vue excitait, Guy et Anne continuaient leur chemin. Contournant le chevet de l'église, ils descendirent le petit escalier de pierre qui unit le cimetière à la place du bourg et s'engagèrent dans le chemin qui mène à l'oratoire. À travers champs, le sentier serpentait, et de la terre surchauffée par le soleil de juillet, montait un pénétrant parfum qui les troublait tous les deux jusqu'au plus profond de leur être. Et les troublantes séductions, les fortes émanations de vie intarissable qui se levaient de la terre en bienfaisants et magiques effluves, les enveloppaient tous les deux avec une âcre et impérieuse emprise qu'il leur apparaissait comme une victoire même de cette nature en fait sur les obscures puissances du mal et de la haine dont l'action néfaste avait contrarié, retardé leur union. « Vois, disait Guy, c'est dans un jour de mois noir et dur, c'est dans un jour qui était plus ténèbre que clarté, que nous nous sommes vus pour la première fois. Et tant que tu n'avais pas paru, ma voix évoquait en vain les ombres de nos grands aïeux, sans parvenir à convaincre ceux qui m'écoutaient. C'est alors que, comme une de ces saintes, une de ces figures de vitrail dont le souvenir vague flottait au loin dans ma mémoire, tu es venu vers moi, et la lumière s'est faite dans la nature, dans les cerveaux de mes auditeurs, dans mon cœur en même temps. Sur toi, sorti on ne sait d'où, tombait à travers la brume un rayon de pâle soleil. Tu parlais. Oh, la chère phrase à jamais gravée en moi. Écoutez-le, il a raison. Et ce fut la lumière. Devant toi se dissipaient les brumes du ciel, et ta parole faisait s'évanouir les brumes d'ignorance et d'incompréhension. Tu mettais partout cette lumière qui semblait émaner de toi. Tout s'illuminait devant toi, et mon cœur comme tout le reste. Guy, cher et bien-aimé Guy. Aussi, tous les obstacles se sont évanouis comme ces brumes légères. Toutes les volontés ont cédé. Tu as vaincu tout ce qu'il y avait de mauvais. Et maintenant, la lumière, la belle lumière dont tu es sorti en ce jour de novembre pour venir à moi le mystérieux, l'inconnu de tous, inconnu à moi-même, à moi qui sortais de la nuit, de la brume, de la mer, la lumière de victoire nous enveloppe et nous fête, la lumière de douceur et de raison, la bienfaisante lumière dont on ne peut se séparer. Aussi l'oratoire de Plougasnou, prouvant la vérité de son antique légende, t'a donné raison en nous unissant pour toujours enfin, malgré tout ce qui pouvait nous séparer à jamais. Tous deux, d'un commun accord, venaient de s'arrêter devant l'oratoire dont la silhouette si curieuse et si caractéristique découpait sur le grand ciel bleu ses fortes lignes massives, baignant en pleine chaude lumière l'inscription dédicatoire qui couronne et entoure sa corniche au-dessous du toit courbe, l'écusson de son fronton et les deux énigmatiques figures en bas-relief sculptées sur sa paroi extérieure. Lentement, Anne s'était agenouillée, et Guy se souvenait de ce crépuscule empourpré d'or où, après l'échauffourée avec l'escadre de Cherbourg et la corvette anglaise devant l'île de Bas, il était monté en hâte à l'oratoire, apprenant qu'elle était là, et où, dans le calme magnifique du soir commençant, il avait reçu l'aveu troublant, exquis, définitif. La voix d'Anne l'arracha à la rêverie dans laquelle il se complaisait. « Allons, Guy, nous ne sommes qu'à la moitié de notre pèlerinage. Ici, c'est pour nous le passé de douceur et de joie. Marchons vers le passé de souffrance et de malheur qui est enseveli dans la tombe de celui qui dort là-bas son éternel sommeil. » Et de la main, elle désignait les masses de verdure de la vallée de Traon-Mériadec. Remué par une pieuse angoisse, le jeune homme murmura « Mon père, mon pauvre et bien-aimé père !» Tous deux arrivés au bas du chemin creux, tournaient à droite sous les arbres pour gagner par-delà le Dounan, le bourg de Saint-Jean-du-Doigt. Sa belle flamme d'enthousiasme aux yeux, elle continuait « Il n'est pas de faute qui ne se rachète, il n'est pas de pardon que l'on ne puisse obtenir. » Le passé de notre race commune est un passé d'honneur, de gloire, de loyauté, de grandeur qui remonte bien haut, si l'inscription de la tombe dans l'église Saint-Mathieu de Morlaix dit vrai. Dans une heure de défaillance, de déchéance morale, ton père a tout oublié, et il a jeté une tache de honte et de sang sur le nom de Guisnou. Mais toi, son fils, toi le vaillant marin redouté des Anglais, tu as effacé sa faute et tes actions ont racheté les siennes. Tu as lavé sa mémoire à jamais et vaincu la malédiction. Pour moi, pour beaucoup de nous, il ne saurait plus être, il n'est plus le maudit. Il est Antoine Guisnou, le père de Guy Guisnou, le corsaire. Brave et vaillante petite Anne, fit Guy l'étreignant tendrement, tandis que sous la chaleur de ce plaidoyer de pitié et de droiture, l'âcre salure des larmes mettait un picotement aigu à ses paupières. Que tes paroles soient entendues, que tes volontés soient exaucées. Mais quelqu'un que tu connais a déjà beaucoup fléchi en permettant notre mariage. Il ne fléchira jamais davantage. Il m'a pardonné d'être le fils de mon père, mais à mon père lui-même, son pardon ne remontera jamais. « Qu'en sais-tu ? Un nouveau miracle est possible ? » répliqua Anne. « Mais le miracle jusqu'ici, ma bien-aimée, c'est toi qui l'as fait, » interrompit Guy. C'est la perte possible de ton amour qui m'a conduit au désespoir, qui m'a jeté à la recherche de la mort. C'est la force de cet amour que je sentais m'envelopper encore là-bas dans l'horreur du ponton anglais qui a dirigé mon évasion, qui m'a ramené en ce jour béni du grand pardon de Saint-Jean-du-Doigt. C'est ton amour enfin qui m'a permis de relever hautement la tête et de remettre en sa place d'honneur ce nom de Guy Guisnou, dont le pauvre, misérable et inconnu tort et peine se trouvait soudain avoir à porter la charge lourde de péché et de malheur, de crime peut-être. Ayant franchi le Dounan, ils avaient atteint le cimetière de Saint-Jean-du-Doigt et s'engageaient parmi les sépultures pour se diriger vers la tombe d'Antoine Guisnou. « Tu oublies que je n'étais point seule. Si je suis pour quelque chose dans cette tâche dont tu m'attribues l'honneur, il y avait toi, dont les hautes actions ont effacé le passé sombre et sanglant, et pourront peut-être un jour amener celui dont tu parles à revenir sur sa malédiction et à pardonner ce passé à ton malheureux père. » Ils passèrent devant le grand porche sombre sans apercevoir, dans l'ombre, Tinaïque Cornou, appuyé sur sa béquille, et Lantoc, immobile, semblant guetter quelqu'un d'invisible derrière la chapelle funéraire et qui, à leur aspect, échangèrent un regard et un sourire de satisfaction. Ils dépassèrent la chapelle et soudain, une brusque stupeur les immobilisa l'un et l'autre. À deux genoux sur la terre, son béret à côté de lui, le visage enfoui dans ses mains, le dos secoué par une houle de gros sanglots qu'il cherchait en vain à contenir, Pierre Marie-Guisnou était affaissé devant la tombe de son frère et des mots inarticulés, des bégaiements sourds, des phrases inachevées s'échappaient de ses lèvres, tandis que la prostration de tout son corps semblait être l'aboutissement tragique d'un douloureux et lamentable calvaire. Muette de stupeur d'abord, Anne ne put retenir un cri. « Le voilà le miracle, le vrai miracle !» Tandis que Guy s'exclamait « Le pardon ? Est-il possible ?» À ce double appel, Pierre-Marie Guisnou se retourna. Ses traits aux lignes dures se détendirent dans une expression étrange de bonté et de pitié. Il se redressa, saisit les mains des deux jeunes gens et les unissant dans une étreinte émue, fit d'une voix où tremblaient des sanglots « Le passé !» Le passé n'existe plus. Il est effacé, pour toujours. Je pardonne. Oui, je pardonne. Pour ton héroïsme, Guy. Pour ta constance, Anne. Je pardonne pour vous deux, pour vous, des vrais Guisnou. Vous continuerez la race, comme il faut qu'elle soit, en honneur et en gloire, pour être à vous deux le rachat du passé. Les parties musicales qui accompagnent la lecture de ce livre sont extraites d'albums tels que La mer, Mer celtique, La Bretagne fête la Saint-Patrick, Méga celtique, Le Bagad de Langbiwe de 1952 à 1992, ainsi que divers morceaux extraits des albums de Didier Skiban.